Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons les transports de voyage à 48 et 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au Marcos Pub Midget de Saint-Félicien et est fière d'être partenaire de la chronique de l'instructeur-chef David Boudreau. Parler du Marcos Pub de Saint-Félicien avec notre ami David Boudreau, le Marcos Pub en fin de semaine qui a bien fait. Salut David! Oui, David, en fin de semaine, c'était deux belles victoires encore du Marcos Pub. Oui, on a gagné 8-5 contre les Orioles de Jonquière vendredi soir à Saint-Félicien. Et on a gagné 3-2 à Chicoutimi. OK, donc si on y allait maintenant avec le traditionnel match du vendredi soir à Saint-Félicien. D'abord, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Il y avait 250. Ben, c'est quand même bon, fait que c'est quand même très intéressant. C'est très, très bon. L'arrivée du junior 3, du junior à Robert Val, vous n'avez pas vraiment lu ce qu'on peut qualifier jusqu'à maintenant. C'était la chasse un peu, donc on sait que durant le temps de la chasse, il y a toujours un petit peu moins de monde, mais là, donc comment ça s'est passé dans la victoire? Ben, dans la victoire, c'est un match offensif, c'est un match, j'imagine, que la foule apprécie, mais pas les entraîneurs. C'est quand tu accordes 5 buts, ou mettons à Jonquière quand tu m'accordes 8, ouais. Tu es toujours content. Il y a toujours beaucoup de lacunes défensivement des deux équipes. C'est du jeu ouvert. C'est beaucoup de 2 contre 1, 3 contre 1, 1 contre 0, 2 contre 3 contre 2. Donc, c'est beaucoup c'est du jeu de revirement un peu. C'est un peu du jeu de location, comme j'appelle. Okay. C'est toujours. Sur nous, on est content parce qu'on sort avec les 3 points. Mais dans l'ensemble, là, c'était pas un bon match des deux équipes. Là. C'était du jeu ouvert. C'était vraiment du hockey, là, comme je dis, de location. Mais dans l'ensemble, là, on va prendre les 3 points. Là, bon, ça n'a pas été vraiment. Vous n'avez pas vraiment travaillé le système, là, qu'on pourrait dire. Ben, c'est ça. Ils ont travaillé fort. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé fort. Ouais. Les joueurs travaillent toujours fort. Mais c'est de travailler toujours de façon intelligente. Là. C'est quand tu n'as pas à pourchasser un joueur, c'est ton coéquipier, il faut qu'il le fasse, puis que tu ne le fais pas, puis qu'il se ramasse 2 joueurs, même des fois 3 joueurs sur un. Pas de rondelle, que lui, il fait une passe à quelqu'un qui est démarqué, et qu'on se remonte toujours en surnombre défensif, puis on se fait avoir. Puis notre gardien, là, si on parle de 5 buts, là, notre gardien, là, il n'y avait rien à se reprocher sur les 5 buts qu'il se fait avoir. C'est des buts parfaits, là. Fait que c'est dur à arrêter. Autant pour celui de Jonquière aussi, là, il n'a pas été fait sur aucun des buts. C'est parce que c'est des buts que les joueurs sont seuls, qui sont oubliés, que là, il y a la rondelle. Fait que quand un joueur de ce calibre-là, il a le temps de décocher un tir, ben, il va placer sa rondelle, c'est sûr et certain. Donc, c'est un match oublié au point de vue défensif, mais au point de vue offensif, là, c'est que les joueurs sont bien contents. La plupart des joueurs ont récolté au moins. Et dans l'autre victoire, ben, ça a été une victoire contre les Saguenay de Chicoutimi. Ça aussi, c'est une belle victoire. Oui, mais encore là, c'est, je veux dire, peut-être moi qui est un petit peu trop. Trop un peu que le monde soit selon le système, tout le temps. Je suis un petit peu trop exigeant là-dessus, mais. C'est encore là, c'est une victoire de 3-2, mais honnêtement, cette victoire-là, c'était les Sags qui en méritaient beaucoup plus que nous autres. Les Sags ont été les premiers sur la rondelle. Ils ont fait des méchés avant, assez soutenus tout le long de la partie. Mes défenseurs avaient une pression constante. Les avant, quand on joue profondément, comme ça, on joue haut, ben, ça donne beaucoup de revirements. Puis ce qui est arrivé, les Sags ont vraiment très bien joué. Les tirs au but, là, c'était environ égal. Tu n'as pas de quand même à peu près, mais si, dans l'ensemble, quand tu regardais le match d'en haut, puis t'étais un gars qui était dans le neutralité, ben tu disais, wow, l'équipe des Blancs, c'est qu'une équipe de hockey. Puis c'était pas nous les Blancs, c'était les Seigneurs. OK, ben c'est clair. En fin de semaine, combien de matchs? En fin de semaine, on fait du bien, on a juste une partie à domicile vendredi soir contre les Décors d'Allemagne. Les Décors d'Allemagne, une grosse équipe de hockey aussi. Fait que, il va falloir être prêt, mais on pourra pas toujours jouer un peu comme ça, puis espérer d'avoir toujours des 3 points au classement. Il va falloir vraiment être prêt contre les Aiglons. On a juste un match en fin de semaine. On a fait une pratique hier soir, 1h30. Il va falloir être prêt. On va commencer fort, puis arrêter de penser vraiment aux statistiques, aux points, puis aller vraiment beaucoup défensif pour préparer déjà les gros matchs qui s'en viennent. Là, les gros matchs, on a beaucoup de gros matchs qu'on a joué dernièrement, là, mais si on repart toujours en termes de tournois puis de séries, là, de préparer là, tout le système, d'être déjà prêt, puis c'est ça. L'aiglon, c'est une équipe qui est ultra rapide et des bons joueurs par en dessous là-dedans. Donc, il faut faire attention. Puis, on les a battus chez eux en prolongation, début d'année 2 à 1. Fait que je pense qu'on va pouvoir aussi là, un peu nous montrer que c'est une grosse équipe de banquée pour aller chercher les points au classement. OK. Comme nous. Donc, vous faites comment de tournoi? Votre premier tournoi, c'est quand? Oh, c'est loin. Au mois de janvier, okay. Là, c'est quand OK, c'est lui tellement. Okay. C'est, vous faites tous vos tournois après les fêtes. OK. Oui. Moi, je sais qu'il y a des équipes qui aiment ça y aller avant les fêtes. Là. Moi, j'aime moins ça un petit peu. Là. Je trouve qu'on n'est pas encore vraiment prêt. Puis j'aime ça jouer des parties de saison avant les fêtes. Ça fait que ça allège un peu là, après les fêtes, les matchs, tout ça. Puis j'aime ça aussi créer une petite habitude aux partisans. Dire que tous les soirs, on a un match assez difficile. Fait que comme ça, on n'a pas à tout noter. Parce que quand des fois, on n'a pas de match, une semaine, on n'a pas de match, l'autre d'après, ben, il y en a plein qui ne viennent pas parce qu'ils disent, il y a ça un match, on sait pas, parce que c'est plus qu'ils ne mettent pas, fait qu'on n'a pas de match. Fait que c'est pour ça que je préfère vraiment que tous les vendredis, là, aller jusqu'au fait qu'on ait un match à domicile, avec, parsemer un peu de match à l'extérieur pour qu'on puisse vraiment, là, aller jusqu'au calendrier après. Fait on va jouer 23 parties. 23 parties. Okay, monsieur, c'est déjà pas mal. Ouais. Sur 30. Fait que c'est beaucoup, fait que ça fait bien aussi. Fait que après les fêtes, ben là, c'est beaucoup plus de pratique là, avec le système, l'améliorer aussi, même peut-être un petit peu le changer, faire d'autres sortes de systèmes aussi. Fait que ça fait bien d'avoir un peu de temps pour ça. Pour okay. Ben, on se parle la semaine prochaine, David. Voilà l'instructeur-chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, David Boudreau.